yo killer, ou sav se mauvais temps. Bay show ou la dem dem dem, la panie semblant. Ou les sav se yon chat de deux, vini bre yon cou. Non mou paye en gold de l'eau, ça va problème nous. Si yon de ou chapi, c'est que la bête en chou. Ou timide ou kari, yon de bout la toujours. En pas bouc ma kakri, yon se bokeh jusqu'au bout. Man déjà de ou pri, yo comprenne ça te joujou. Bande ou kon sa mom se si. Sou blessé, ok, point tout. Sou blessé, ok, point tout. Ma tête qu'on fait comme ça, moi qu'à contrôler ça. Photo belle ou l'huile ou d'autres qu'à servir, fenty. Moi toujours au combat, attaque, défense, combat. En se maillant les vidéos, au content, c'est cutie. Mandeau, c'est cutie. Mandeau, ça freaky. Bagay chaud, fini. Sexe égal, d'aime bonne des coquilles. Mandeau, c'est cutie. Mandeau, ça freaky. Bagay chaud, fini. Sexe égal, d'aime bonne des coquilles. Allo, killer, ou savent, c'est mauvais temps. Bagay chaud, ou la dem, la panie semblant. Ou les savent, c'est yon chat de deux. Vini bre yon cou, non mou paye en gold de l'eau. Ça va problème nous, c'est yon dé ou chapi, c'est que la bête. En chou, ou timide ou kari, yon de bout la toujours. En pas bouc ma kakri, yon se bokeh jusqu'au bout. Man te jade ou pri, yon comprenne ça te joujou. Bande ou kon sa mom se si. Sou blessé, ok, point tout. Sou blessé, ok, point tout. Sou blessé, ok, point tout. Sou blessé, ok, point tout.